l'ombre du vent, 1000 fois, toi. Toi et le bras avec lequel, nu, je croissais vers toi, la perdue. Paul Celan, Blanc et léger. Le temps du cœur. Ingeborg Bachmann et Paul Celan. Correspondance. Quatrième émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Paris, 20 octobre 1957. Cologne, Am Hof. Temps du cœur, les rêvés tiennent lieu de chiffres de minuit. Quelque chose parla en entrant dans le silence, quelque chose se tut, quelque chose alla son chemin. Banni et perdu étaient chez eux. Vous, les cathédrales, vous, les cathédrales non vues, vous, les eaux non écoutées, vous, les horloges au fond de nous. Quai Bourbon, dimanche, 2h30 de l'après-midi. Paris, 23 octobre 1957. Je peux comprendre, Ingeborg, que tu ne m'écrives pas, que tu ne puisses pas m'écrire, que tu ne m'écriras pas. Je te rends les choses difficiles par mes lettres et mes poèmes, encore plus difficiles qu'auparavant. Dis-moi une seule chose. Veux-tu que je t'écrive et que je t'envoie des poèmes? Veux-tu que je vienne pour quelques jours à Munich ou ailleurs? Il faut que tu comprennes. Je ne pouvais pas agir autrement. Si j'avais agi autrement, cela aurait signifié que je te reniais, ce que je ne veux pas. Sois tranquille et ne fume pas trop. Paul. Paris, 25 octobre 1957. Aujourd'hui, la poste est en grève. Aujourd'hui, il ne pourra pas y avoir une lettre de toi. Dans un journal français, je lis cette maxime. Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu'ils ressentent. Et pourtant. 2 heures plus tard. Ceci encore, qui ne doit pas rester non dit. Ce « tu sais vers quoi il faisait signe » doit être complété ainsi. Vers la vie, Ingeborg, vers la vie. Pourquoi ai-je parlé de tout cela? Pour t'enlever ce sentiment de culpabilité qui s'éveilla en toi quand le monde se déroba sous mes pieds. Afin de te l'enlever pour toujours. Tu dois m'écrire, il le faut, Ingeborg. Paul. Munich, 28 octobre 1957. Paul, il y a 10 jours est arrivée ta première lettre. Depuis, tous les jours je veux répondre et j'omets de le faire en parlant désespérément pendant des heures avec toi. Quel raccourci vais-je devoir prendre maintenant dans cette lettre? Me comprendras-tu quand même? Sauras-tu ajouter en pensée tous les instants durant lesquels je n'ai devant les yeux que les poèmes, ou ton visage, ou nous deux encore? Je ne peux demander conseil à personne, tu le sais. Je te suis reconnaissante d'avoir tout dit à ta femme, car le lui épargner reviendrait à être encore plus coupable, à la dévaloriser aussi. Parce qu'elle est comme elle est, et parce que tu l'aimes. Mais as-tu idée de ce que signifie pour moi son acceptation et sa compréhension? Et pour toi? Tu n'as pas le droit de les quitter, elle et ton enfant. Tu me répondras que c'est déjà fait et qu'elle a été quittée. Mais je t'en prie, ne la quitte pas. Faut-il que je me justifie? Quand je penserai à elle et à l'enfant, et j'y penserai toujours, je ne pourrai pas t'embrasser. Je ne sais pas quoi dire de plus. Tu dis qu'il faut ajouter le complément « vers la vie ». Cela vaut pour les rêver. Mais ne sommes-nous que les rêvés? Et n'y a-t-il pas toujours eu un complément à cela? Et ne sommes-nous pas déjà désespérés dans la vie, même maintenant, lorsque nous pensons que tout dépendrait de ce pas qu'il faudrait faire, au dehors, au-delà, ensemble? Le lendemain, je ne sais de nouveau pas quoi dire de plus. Je suis restée réveillée jusqu'à 4 heures et je voulais me forcer à continuer d'écrire, mais je ne pouvais plus toucher cette lettre. Très cher Paul, si tu pouvais venir fin novembre, j'en ai le désir. Le puis-je? Il faut que nous nous voyions maintenant. Lorsque je suis arrivée à Donaueschingen il y a une semaine, j'ai soudain eu envie de tout dire. L'impression de devoir tout dire, comme toi à Paris. Mais toi, tu en as ressenti la nécessité. Et moi, je ne pouvais même pas me le permettre. Il est vrai que je suis libre et perdue dans cette liberté. Comprends-tu ce que je veux dire par là? Mais ce n'est qu'une pensée dans un long enchaînement de pensées. Une pensée dans les chaînes. Tu m'as dit que tu étais réconciliée pour toujours avec moi. Je ne l'oublierai jamais. Dois-je penser maintenant que je te rends de nouveau malheureux? Que j'amène de nouveau la destruction pour elle et toi, pour toi et moi? Qu'on puisse être maudit à ce point, je ne peux pas le concevoir. Paul, j'envoie la lettre en l'état. J'avais le désir d'être beaucoup plus précise. Ingeborg. Paris, 31 octobre 1957. Aujourd'hui, le jour de la lettre. De la destruction, Ingeborg? Non, certainement pas. Mais la vérité. Car là aussi, c'est bien cela la notion opposée, parce que c'est la notion fondamentale. Laissant de côté beaucoup de choses, je viendrai à Munich, fin novembre, vers le 26. Retour sur ce qui a été laissé de côté. Je ne sais pas, il est vrai, ce que tout cela signifie. Je ne sais pas comment appeler cela. Détermination peut-être. Destin et mission. En chercher le nom n'a pas de sens. Je sais qu'il en est ainsi pour toujours. Tu étais, quand je t'ai rencontré, les deux pour moi. Le sensuel et le spirituel. C'est à jamais inséparable, Ingeborg. Pense à En Égypte. Chaque fois que je le lis, je te vois entrer dans ce poème. Tu es le fondement de vie, aussi pour la raison que tu es et tu resteras la justification de ma parole. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, de la parole. Je voulais, vois-tu, aussi rester muet avec toi. Autre contrée dans l'obscur, attendre, cela aussi, je l'ai envisagé. Mais cela ne voudrait-il pas dire attendre jusqu'à ce que la vie de quelque manière vienne à notre rencontre? La vie ne viendra pas à notre rencontre, Ingeborg. Attendre, cela serait pour nous sans doute la façon la plus inadéquate d'être là. Être là, oui, nous le pouvons et nous en avons le droit. Être là, l'un pour l'autre. Et même si ce ne sont que quelques mots, à l'abréver, une lettre, une fois par mois, le cœur saura vivre. Et voici cependant une question concrète, à laquelle il faut que tu répondes vite. Quand pars-tu pour Tübingen, quand pour Düsseldorf? On m'a également invité là-bas. Sais-tu que maintenant j'arrive de nouveau à parler? Et à écrire? Ah, il faudrait que je te raconte encore beaucoup de choses, que même toi tu peux à peine deviner. Écris-moi. Paul. le lendemain. Cologne am Hof n'est-il pas un beau poème? C'est grâce à toi, Ingeborg, grâce à toi. Serait-il seulement venu si tu n'avais pas parlé des rêvés? Un mot de toi, et je peux vivre. Et que j'ai maintenant de nouveau ta voix dans l'oreille. Paul. Munich, 22 novembre 1957. Il y a 7 ans, nous avons fêté pour la dernière fois ton anniversaire ensemble. Insensé et triste. Mais maintenant, je m'assieds un instant près de toi et je te donne des baisers sur les yeux. Jusqu'au dernier moment, j'ai voulu t'envoyer quelque chose à Paris, et puis j'ai senti que là-bas, je ne pouvais pas t'envoyer quelque chose. Il te faudrait le cacher ou de nouveau faire mal. Je tiens ton cadeau prêt ici pour toi. Tu le découvriras quand tu viendras. Nos dernières lettres se sont croisées. Qu'elles puissent de nouveau se croiser, ou plutôt qu'elles le puissent pour la première fois. Je pense à toi, Paul. Et toi, pense à moi. Ingeborg. Paris, 23 novembre 1957. Juste une ligne pour te remercier, de tout cœur, pour tout. Qu'il nous ait fallu alors traquer à mort nos cœurs avec tant de choses futiles, Ingeborg. À qui obéissions-nous, dis ? À qui ? Bon, je vais bientôt venir, pas pour longtemps, pour un jour, pour un second. Si tu le veux bien et le permets. Paul. Munich, 2 décembre 1957. Quand viens-tu, cher Paul ? Envoie-moi un télégramme de Tübingen pour que je puisse venir te chercher. Plus que quelques jours maintenant. Ingeborg. Stuttgart, 5 décembre 1957. Après-demain, samedi, je serai à Munich. Chez toi, Ingeborg. Peux-tu venir à la gare? Mon train arrive à 12h07 à Munich. Si tu ne peux pas, je ferai les 100 pas une demi-heure plus tard devant chez toi. Demain, je serai à Tübingen, à l'adresse suivante, Hôtel Lamm ou Librairie Osiander. 2 jours encore, Ingeborg. Paul. Francfort, 9 décembre 1957. Ingeborg, ma chère Ingeborg. Ensuite, j'ai regardé encore une fois par la fenêtre du train. Toi aussi, tu t'étais retournée. Mais j'étais trop loin. Puis c'est venu et ça m'a pris à la gorge, très sauvagement. Et puis, quand je suis revenu dans le compartiment, il est arrivé quelque chose de très étrange. C'était tellement étrange que je m'y suis fié, un bon bout de chemin. Je vais te raconter les choses comme elles me sont arrivées, mais il faut dès maintenant que tu me pardonnes de m'être conduit de façon si incontrôlée. J'étais donc retourné dans le compartiment et j'ai sorti tes poèmes de ma serviette. C'était pour moi comme une noyade dans du très clair transparent. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué que la jeune femme qui occupait la place près de la fenêtre sortait les axentés de ses affaires, le dernier cahier, et qu'elle commençait à le feuilleter. Elle le feuilletait et le feuilletait. Mon regard pouvait suivre son geste, sachant bien sûr que ton nom et tes poèmes allaient arriver. Et puis ils sont arrivés, et la main qui feuilletait a marqué une pause. Et j'ai vu qu'elle ne faisait plus le geste de feuilleter, et que les yeux lisaient encore et encore. Encore et encore. Je leur étais si reconnaissant. Puis j'ai pensé un instant qu'il devait s'agir de quelqu'un qui avait assisté à ta lecture, qui t'avait vu et reconnu. Et puis j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et j'ai demandé. Et j'ai dit que c'était toi, avant. Et j'ai invité cette dame, une jeune écrivaine, qui avait déposé un manuscrit chez Desch et qui, me disait-elle, écrivait aussi des poèmes, à boire un café. Puis j'ai appris combien elle t'admirait. Je n'ai presque rien dit d'imprudent, Ingeborg, mais elle l'avait déjà deviné, bien sûr, c'était un événement pour elle. Puis je lui ai offert mes deux volumes de poèmes et je l'ai prié de ne les lire que lorsque je serais descendu du train. C'était une jeune femme d'environ 35 ans. Elle a sans doute compris maintenant, mais je ne crois pas qu'elle le colportera. Je ne le crois vraiment pas. Ne m'en veux pas, Ingeborg. Ne m'en veux pas, je t'en prie. C'était tellement étrange, faisant complètement partie de notre monde. L'être à qui je devais cela avait bien le droit de savoir qui il avait eu en face de lui. Dis-moi quelque chose à ce sujet, un mot, je t'en prie. Je viens aussi de penser que tu pourrais envoyer un signe à cette femme. Voici son adresse. Margot Hindorf, Köln-Lindenthal, Dürrenerstrasse 62. Il faut que je te revoie, Ingeborg. Je t'aime, tu sais. Paul. Munich, 11 décembre 1957. Paul, chérie. Cet après-midi, je suis allée chercher ta lettre. C'est une curieuse et belle histoire qui nous appartient maintenant à tous deux. Pourquoi devrais-je t'en vouloir? Sauf que je n'écrirai pas à cette femme. Pardonne-moi, je n'ai rien d'important à ajouter. Et écrire à d'autres me coûte. Maintenant, chaque jour est rempli de résonance. Mais il ne faut pas maintenant qu'à cause de moi, tu passes à côté de Gisèle. Non pas par devoir, mais au nom de la liberté reconquise. Sinon, à qui pourrons-nous être reconnaissants de tout? Ingeborg. Paris, 13 décembre 1957. Un jour et encore un. Toi, tout de feune. Le silence nous accompagnait comme une seconde vie. Distincte. J'ai gagné, j'ai perdu, nous croyions à d'austères miracles. La branche, écrite en grand au ciel, nous portait, poussa jusque dans l'orbe de la lune, un demain, monta jusqu'à l'hier. Nous sommes allés chercher le chandelier. Je pleurai sur ta main. Munich, 27 décembre 1957. Il faut qu'au moins pour la fin d'année, tu aies une lettre. Les livres sont arrivés exactement le 24 et je les ai déposés sous l'arbre. Ils sont si beaux. Aujourd'hui, j'ai acheté une belle bougie pour le chandelier. Et j'ai eu, à ma grande surprise, un appel de Vienne. On m'invite à faire une lecture là-bas dans 2 semaines. J'ai accepté, je vais y aller, mais dans l'angoisse, et pour 1 ou 2 jours seulement. J'aimerais tant pouvoir revenir sur ma décision. S'il te plaît, accompagne-moi en pensée, pour que ce qui est hideux là-bas puisse ne pas m'affecter. Le temps que nous y avons passé est mon unique protection. Mais toi, comment vis-tu maintenant? Fais-le-moi savoir. Ingeborg. Paris, 2 janvier 1958. Ingeborg, mon amour, que dire? Tu pars pour Vienne, mon cœur t'accompagne, ne te fais pas de soucis. Va chez Nanny et Klaus. Quand pars-tu pour Berlin, quand pour Hambourg, Kiel, etc. Dis-le-moi, je te prie. Il faut que je le sache. Le 26, je pars pour Brême. Ça va durer sans doute quelques jours. Ne pourrions-nous pas, au cas où tu serais toi aussi là-haut, dans le nord, nous rencontrer à Cologne sur le chemin du retour. Viens, Ingeborg. Paul. Paris, 11 janvier 1958. Tu lis maintenant. Je pense à ta voix. Paul. Vienne, 13 janvier 1958. Une feuille de Vienne. Tout était si étrange ici qu'on peut à peine le raconter. Pire que prévu, mieux que prévisible. Nanny et Klaus sont contents pour nous deux, et ils ont fait preuve à mon égard de la plus belle et sincère amitié, dans toutes ces heures de difficulté. Avant de partir, je te ferai signe. Sois gentil avec moi. Ingeborg. Hambourg, 27 janvier 1958. Demain, 10h33. Paul. Munich, 2 février 1958. Paul. Le travail qui m'a tant tourmenté et accablé est terminé. Et maintenant, je tiens à ce que tu aies tout de suite ta lettre avant que mes yeux ne se ferment de sommeil. Ma crainte actuelle ne nous concerne pas, nous, mais Gisèle et toi, que tu puisses passer à côté de son beau cœur lourd. Mais tu vas maintenant recouvrer la vue et dissiper l'obscurité aussi autour d'elle. J'en parle encore une toute dernière fois et tu n'es pas obligé de me répondre. Après ton départ, j'ai de nouveau pour la première fois aimé travailler. Même le monotone travail de dactylographie durant des heures était une joie pour moi et je suis pleine d'ardeur. N'est-ce pas bien aussi? Ce sera bientôt le moment de partir pour Tübingen, sur tes traces. Ingeborg. Paris, 12 février 1958. Une demande, Ingeborg. Envoie à Gisèle tes deux volumes de poèmes. Je lui ai dit que tu le ferais. Paul. Paris, 23 juin 1958. Paul. Je suis à Paris, personne ne le sait. Mais es-tu là, toi aussi, ou toujours en Allemagne? Il faut que je te parle. Peux-tu venir, je te prie, au café Georges V, ce mercredi à 16h? Je ne vois pas de meilleur endroit pour l'instant. C'est à côté de la station de métro qui porte le même nom. Si tu n'y es pas mercredi, je t'écrirai encore une fois pour te demander de venir un autre jour. Et je t'en prie, si tu rencontres des connaissances, ne leur dis rien sur ma présence ici. Ce n'est naturellement pas valable pour Gisèle. Mercredi, c'est mon anniversaire. Il y a 10 ans, nous avons fêté mon 22e. Lorsque tu m'as appelée, je ne savais pas encore tout ce qui allait se passer. Mais je sais que tu essaieras de me comprendre, pour m'aider, par un conseil ou sans conseil. Pourvu que tu sois là et que tu me regardes quelques heures. Ingeborg. Poème joint. Sous l'orage de rose. Où que nous allions sous l'orage de rose, la nuit est éclairée d'épines, et le grondement du feuillage, naguère si faible dans les buissons, est maintenant sur nos talons. Où toujours on éteint ce qu'enflamment les roses, la pluie au fleuve nous emporte. Ô nuit très lointaine, une feuille pourtant qui nous toucha sur les flots vogue jusqu'à l'embouchure à notre suite. C'était Le Temps du Cœur, Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. 4e émission. Page choisie par Julia Mint, traduction de Bertrand Badiou. Avec Paul Celan, Bruno Pavio, Ingeborg Bachmann, Elodie Hubert. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan est publiée aux éditions du Seuil.